Le mercredi 21 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'alarme et les gicleurs ne se seraient pas déclenchés au Mont Tourbillon, qui a été réduit en cendres la nuit dernière dans un violent incendie. Selon la mairesse de Lac-Beauport, les pompiers n'auraient pas entendu l'alarme se retentir dans le bâtiment. Ils ont plutôt répondu à l'appel d'une passante qui a signalé de la fumée au cours de la nuit dernière. Le bâtiment principal, estimé à 1,6 million de dollars, est une perte totale. Des employés ont fondu en larmes en se présentant sur les lieux ce matin, un lieu qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Sous le choc, le propriétaire Michel Noël a fait savoir qu'il avait l'intention de reconstruire. La députée de Chauveau, Véronique Tremblay, a quant à elle rappelé que le Mont Tourbillon était une institution à Québec, avec son populaire restaurant, son terrain de golf en hiver et son centre de glissade. Terrain de golf en été et son centre de glissade en hiver. Voilà. Maintenant, l'ex-juge Jacques Delisle restera en prison pendant que la procédure de révision judiciaire suit son cours. La Cour supérieure a rejeté sa demande de libération provisoire. L'homme de 81 ans tentait d'être libéré en attendant que les conclusions du comité d'experts qui doit décider si des erreurs judiciaires ont été commises lors de son premier procès. Le juge Benoît Moulin a estimé que les preuves présentées ces dernières semaines ne permettait pas de remettre en question son verdict de culpabilité et que sa libération aurait miné la confiance du public dans le système de justice. Dossier du service rapide par bus. Maintenant, le projet a fait l'objet d'une rencontre ce matin entre le maire de Québec, Régis Labeaume, et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Monsieur Couillard a déclaré qu'il préfère un financement gouvernemental à 100% et qu'il ne souhaite pas refiler la facture aux villes de Québec et de Lévis. Régis Labeaume en a donc eu l'assurance ce matin au terme d'une rencontre avec le premier ministre du Québec. Régis Labeaume qui a aussi révélé qu'il ne souhaite pas tenir de référendum sur le service rapide par bus, à la différence de son collègue de Lévis qui, lui, s'est montré ouvert à consulter les citoyens sur cette question. Au contraire, Régis Labeaume a dit qu'il souhaitait lancer les travaux le plus rapidement possible et qu'il était prêt à aller de l'avant, même sans la ville de Lévis. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo, c'est confortable aujourd'hui avec de faibles averses de neige et moins 1 degré au mercure. Les températures qui resteront stables cet après-midi. Demain jeudi, le scénario se répète, moins 2 degrés comme maximum de la neige intermittente. Retour du soleil vendredi avec moins 3 degrés et un aperçu la fin de semaine en terminant 0 degré samedi 24 décembre avec de la neige. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec moins 7 degrés.